mama o yeye ukite papa o yeye uleve walmagie mama o te baleo fami o te baleo mama tu vem na la pen mariage la vin pour tuer L'aiming de zo toi moi Madame moi sorti ça moi ya c'est ça Parce que fille a des problèmes. Quand t'as tête chargée, on met maman. Toute la journée, maman a crié. Parce que le voit son capetu. Vine nos ça va le faire. T'as des qui j'ai pour un angon, non? Ou coquet? Pour l'autre, t'as voulu sortir ou pas ça sortir? Débarrer, monsieur.